بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل اليوم في سورة القصص. سورة القصص تدعي لكونت في المسألة الخامسة وثلاثين بعد المئة 135 مسألة في قوله تعالى قال لأهلهم كثوا à propos de la parole dans l'annonce où il parle de Moussa lorsqu'il a dit à sa famille, c'est-à-dire là, on traduira par Ahli, sa famille, et ça va venir précisément par la suite. Omkousou, ça veut dire restez là où vous êtes. À la forme du pluriel. Verset 29. Qal, rahmallahu ta'ala, Ahluhu zawjatuhu, bidalil qawlihi, wasara bi ahlihi, liyana al-ma'aruf anna sar, wal-ma'aruf anna wussara min indi shu'ayb, bi zawjatihi, ابنة شعيب أو غير شعيب على القول بذلك. Donc le أهل là dans ce sens là dans le verset c'est sa femme. Par la preuve dans le sens où Allah il dit et il s'en alla avec sa famille. Verset 29. C'est-à-dire qu'il est parti de chez شعيب avec sa femme ou alors de la fille de شعيب. Ou que soirée et Shu'aib, comme certains l'ont dit. C'est-à-dire, cet homme qui a accueilli Moussa, alayhi salam, après qu'il soit en fait de chez Pharaon, certains ont vraiment vu que c'était Shu'aib. Parce qu'il a été dit qu'il était à Médiane. Et Médiane, c'est le lieu où il y avait Shu'aib. Et d'autres ulama, ils ont dit non, c'était autre que Shu'aib. C'était un autre homme du même lieu, mais c'était pas Shu'aib. Hada wal arjah, que c'était pas Shu'aib, le Nabi, alayhi salam. Al-Muhim, qu'il est parti avec sa femme de chez Shu'aib. Ou de celui qu'on a, celui qui, Yannick, qui fait Akulak, qui serait parti de chez cet homme que certains ont dit c'est Shu'aib, et d'autres ont dit que c'est pas Shu'aib, l'homme de Médiane. Wa qawluhu umkuthu khitab jama'a li dhukur, fama wajju khitab il mar'a bi khitab jama'a il dhukur. Donc dans le verset, il dit umkuthu, c'est-à-dire restez là où vous êtes, au pluriel masculin. Donc ça, c'est un usloub qu'on emploie avec un groupe d'hommes. Donc comment se fait-il que cette façon de parler a été employée pour une femme ? Donc il y a trois façons de répondre à cela. Que la personne parle à sa femme en employant dans une interlocution pluriel et masculine, et cela par quoi ? Par magnificence laha, ta'ziman laha. Et ça, dans les hadiths, c'est venu. Que le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith où lorsque le wahi est descendu sur lui, il a dit à Khadija, zammilouni, zammilouni. C'est-à-dire, recouvrez-moi, recouvrez-moi, et qu'il a dit également, wasubbu alayya ma'an baridan, et verse sur moi de l'eau froide. Il a dit, subbu, avec le waou jama'a, alors qu'il parlait à Khadija. Donc ça, c'est une chose qui est venue, qui a des preuves dans la sunna. الثاني أن معها خادما والعرب ربما خاطبت الاثنين خطاب الجماعة. Deuxième réponse, c'est que certains disent qu'il y avait avec eux un esclave et que les Arabes, des fois, lorsqu'ils parlent à deux personnes, ils emploient la forme plurielle masculine, même s'il n'y a que deux personnes. الثالث أنه كان له مع زوجته ولدان له اسم الأكبر منهما جيرشوم واسم الأصغر علي عازر. Et notre troisième réponse c'est que il était dit qu'il avait avec lui deux enfants. Ces deux enfants de cette femme. Donc ça veut dire qu'ils auraient été au minimum trois. Et puis citer les noms de ces enfants là. Mais ces noms sont cités de choses qui viennent d'Israéliat, qui n'ont pas de preuve à l'appui. Qui a Jirshom et Ali Azur. Qala wal jawab al awwal zahirun wa thani wa thalith muhtamalan liannahuma min al-Israéliat wa al-'ilm 'inda Allah Ta'ala. Donc lui il voit que la première réponse, c'est-à-dire le fait d'employer le pluriel pour sa femme, est une chose qui est apparente et cela est déjà vu dans la sunna. Et quant aux deux autres réponses, elles sont probables. Car elles proviennent à la base des Israéliates, des gens du livre, c'est-à-dire que des paroles qui rapportent, qui ne s'opposent pas à notre char, ni ne sont confirmées par notre char. Donc on ne peut ni les démentir, ni les accepter mutlaqan. فهذا هو الجواب في هذه الآية. والله تعالى أعلم. سبحانك وبحمدك. لا إله إلا أنت. استغفرك وأتوب إليك.